les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là. Paris à la feuille morte. Elle pleure des larmes de sang, l'océan des hommes y baigne pour qui entre les corps inertes. L'étranger ruisselle de mort vivant, mon cœur est mort, ma folie vivante. Les baïonnettes de la patrie aimante dans les entrailles de celui qui a une patrie différente. La patrie, l'armée, des mots féminins, allure transsexuellement phallique. Faillir moi jamais, c'est ce qui hante l'héroïsme. Ce petit cœur sont partis la fleur au fusil. Rose la vie n'est pas, ça c'est le rôle des propagandes, nous faire croire à tout ça. En tout temps, c'est tu sais toi ou c'est moi. Réflexion prise, la Rosalie dans les tripes de ce type aux yeux pleurants, criant ma pitié. Prunelle exprimant tous les reflets de l'humanité entière. Oh, une furtive étincelle qui ne peut m'empêcher de penser que je ne suis que le pion grotesque manipulé dans une partie d'échec. Les battants guerres sont toujours loin derrière. La langue pendue, l'émotion meurtrière. Il cache le pendant qui finance les guerres. On ne mord pas la main qui nourrit modèle. La banque à ses dynasties, son empire de mercenaires. Il est où le regard alangui de ma douce? Chaque seconde c'est mon âme que je perds dans l'enfer des secousses. Il est où le regard alangui de ma douce? Chaque seconde c'est mon âme que je perds dans l'enfer des secousses. Cette plage, plus vite ils arrêteront ce maudit tir de barrage. C'est très mauvais pour mon chien.